Ouais, ouais. Riska, Riska. 2-7-0, frérot. ON3. Bro. Middle, middle, dans ta grand-mère, fils de pute. J'ken comme dans un film de cul. J'traîne pas avec une CQ. Tu me tends l'autre, j'pisse dessus. J'recharge ma bonbonne, tu fais le pu. Tout ce liquide, tout ce flux. Ceux avec qui tu marches, c'est ceux-là qui te tuent. Sauf à l'air en boîte, ça s'écrit PU. Ces bâtards sont des suiveurs, hashek, ils sucent des queues. Fais que de place, coulant roro, cœur de clash. Hier, lui vit ton quel audace, 1 million, tous nos masses. Derrière les barreaux cavaliers, toujours au garrot avalé. On sait comment ça va se finir, pas la peine de bavarder. Si t'es mon pire, pour toi je le fais gratuit. Si tu piges pas mon magnum 38, gratuit. Pillage, pourquoi tu t'emportes? Excuse-moi mais tu comportes. Sur moi tu complotes, suce-moi et suce mon pote. Kilo aérodrome, plomo pour un chrome. Incurable est mon syndrome, on check sous terre avec des hématomes. Le coup de crosse est électrique, on vole les voleurs parce qu'ils peuvent pas appeler flic. Dans mon cas c'est génétique, j'fais le scénario, le son du tonka c'est le générique. Pour toi c'est la merde, pour nous en tout cas c'est bénéfique. Avec cette dose j'suis invincible, casque intégral et j'suis invisible. J't'actionne même si t'es pas ma cible. Tu crois sûrement qu'on n'est pas massif. Tu fais du bruit, on déclare pas. La maglite t'éblouit mais t'éclaire pas. On charbonne, on saute l'air pas. On sait que c'est mal, on saute pas. Tu peux demander, j'ai des mains dans le dos. Même les yeux bandés, on rentre dans ton bendo. Je rentre dans le pool d'une joint et ça capte plus. Je lâche la purée à tard plus. Dis-moi bitch si ça t'a plu. La fama y'a que ça de vrai. Moi je donne, je fais pas de prêt. Moi je donne que pour les vrais. Quand je conne, je fais pas de break. Tu manges les gants, tu manges le grec. ON3 c'est comme l'OPEP, c'est du pétrole quand je sève. Ça sent le Gucci quand je tape. T'en veux encore comme le Jeb. Je lui fais pas confiance parce qu'il veut ce que j'ai. Non, j'ai connu la galère, donc je sais ce que c'est. Je serai jamais une icône, je viens d'en bas comme un gilet jaune. Tu faisais du cheval quand je rêvais d'avoir un VTT. Tous à l'hôpital, demander aux neufs de ITT. C'est ta meuf, la chance, c'est pas la mienne. Les petits ponts de huile, c'est dans la teucha de ta chienne. Trois gosses, elle sur le net. J'imagine pas les kilomètres. 2-7, 2-7, 2-7, 2-7. We'll be right back.